La Société pour les droits de l'homme en Corée du Sud a publié le 17 septembre le livre blanc. Voici le résumé. Le monde qui taxe la Corée du Sud d'enfer est plus en vogue et la population exprime une plus forte colère à la bande des traîtres de Bakune qui a transformé la Corée du Sud en l'enfer des vivants et qui a privé tous les droits de l'homme. Notre République réalise tout le rêve du peuple sous la direction du Parti Travail de Corée. Tout y est au service des masses populaires qui sont maîtres de tout. La bande de Bakune ne peut même pas imiter un tel paradis du peuple. Pour sortir de l'enfer, la population sud-coréenne doit créer un monde nouveau en renversant le régime d'exploitation corrompu et la bande de Bakune qui domine et exploite les masses travailleuses.